Chapitre 21e, 3 septembre 1962. La côte marseillaise apparaît, toujours aussi austère et pelée. Mireille sangle doucement et se mouche périodiquement. Adrien la tient par les épaules, les yeux humides. Il n'aurait jamais cru qu'un jour il reverrait les côtes de France avec autant de tristesse et de désespoir. Bien sûr, il repense à son retour du bagne en 37. Il réalise maintenant qu'il avait enfin un pays et qu'il vient de le perdre. Tant de choses se sont passées depuis. La vie en Algérie a été tellement dense, tellement prégnante. C'est leur vraie vie qu'ils ont laissée là-bas. Tout au long de la traversée, il a repassé dans sa tête une foule de visages, de moments, de paysages. Ces années passées à la direction du cours complémentaire, les délibérations du conseil municipal, les parties de pêche avec Favier, les paniers de poissons tellement pleins qu'ils ont donné à tout le monde. Il se souvient de la première girelle qu'avait pêchée sa fille et du fou rire qu'il avait gagné en essayant d'attraper le poisson visqueux gigotant au fond du bateau. Le visage souriant mais amaigri de Bachir revenant de Monte Cassino, son regard un peu fou, son refus de répondre à toute question concernant la bataille, mais fier d'arborer ses déclarations dans les cérémonies commémoratives. L'époque de la Seconde Guerre pendant laquelle il avait choisi son camp assez rapidement, rejetant toute collaboration, ce qui lui avait valu quelques ennuis. Il n'avait guère souffert des restrictions, car il y avait toujours quelques poissons et quelques légumes à mettre sur la table. Certes, cela demandait du temps, de trouver de la nourriture, mais on finissait toujours par se débrouiller, ce qui n'était déjà pas si mal. Les fêtes de fin d'année à l'école d'infirmières de Mireille. L'air sentait l'anisette, les merguez, la mer et l'oranger. Il revoit également le corps ensanglanté du prof de français, retrouvé mort dans sa voiture criblée de balles, et l'incompréhension de la famille devant ce malheur aussi violent qu'inutile. Et ce vieil arabe, abattu devant Adrien même, par un homme qui cachait son arme dans un journal, avait-il mérité cela? Tous les crimes qu'il a vus se mélangent dans sa mémoire pour prendre un caractère vain et désolant. Tout refait surface, les bons comme les mauvais moments, et toujours ce sentiment d'injustice qui le taraude et qui revient comme un fantôme. Pourquoi les hommes se font-ils tant de mal? De temps en temps, par flash, lui revient l'image de Camille couchée dans le petit bois. Il comprend alors combien cette mort l'a marqué. C'est le souvenir qu'il a emporté de l'ambesse qui gardait au fond de son cœur. Camille, même s'il ne l'a connue que morte, fait partie de lui et l'a aidé à vivre sans qu'il en ait eu conscience. Il revoit le visage de son ami Bachir qui ne comprenait pas qu'il parte, ses larmes se mêlant aux leurs. « Pourquoi tu t'en vas, Adrien? C'est ton pays ici. Comment je vais faire sans vous? Tu fais partie de ma famille avec Mireille et Claude. » « Bachir, tu sais, j'ai bien compris le message d'Ali, du FLN. Il m'a dit, c'est mieux pour toi que tu t'en vas, Brossard, parce qu'après, je peux rien te garantir. Alors, qu'est-ce que tu ferais à ma place ? » ?»« Non. Et puis tu vois, j'ai déjà l'impression d'être un étranger ici. Je vais dans un pays où je sais que je serai aussi un étranger. Continue à t'occuper de l'école. Tu passeras peut-être directeur, et ne te laisse pas imposer quoi que ce soit. On s'écrira tous les mois, et qui sait, peut-être qu'un jour on pourra revenir en touriste. » Adrien prend conscience qu'il est passé d'une rive à l'autre, non pas de la Méditerranée, mais de sa vie, tout simplement. Le départ n'a été qu'un déclencheur de cette prise de conscience, et il se rend compte qu'il est en train de faire un bilan, comme il en avait fait un en 1937. Il avait alors pris une nouvelle orientation. Aujourd'hui, comme hier, c'est la destinée qui impose le cours de sa vie, sans qu'il n'ait trop le choix. Il essaye de trouver des côtés positifs à leur situation. Il est encore en bonne santé, grâce à sa vie au grand air, et aux leçons de ses maîtres qui brandissaient le spectre de l'alcoolisme. Mireille aussi se porte bien, et a toujours ce petit éclat brillant dans l'œil. Ils ont un toit, leurs pensions tomberont tous les mois, leur fille n'habite pas loin. Vraiment, beaucoup voudraient être à leur place. Alors que dans les yeux de ceux qui les entourent, se lit la détresse alliée à une sorte d'effroi de ce qui les attend. Voilà, c'est fini. En quelques heures de bateau. Comme il l'avait dit une fois à ses élèves, la vie est faite de cycles. Cette fois, Adrien a conscience que c'est le dernier, mais il ne regrette rien. La ville d'Alger accoste enfin. Sur le quai, quelques dockers les invectives et leur lancent des pierres. Ils exhibent des banderoles. « Dehors, retournez d'où vous venez !»« C'est complet, » se dit Adrien. « Décidément, faut-il qu'on aime la France pour supporter ça ? Ici, comme de l'autre côté, ils sont tous autant manipulés. » Après la bousculade, ils retrouvent Claude, leur fille qui pleure en voyant leur mine défaite. après son école normale à Ben Aknoun, tout près d'Alger, elle épouse un militaire qui a été nommé récemment à la base de Salon. Son ventre commence à s'arrondir, du bonheur en perspective. Retour à Lambesque, entassée dans la Dauphine de Claude, une valise sur les genoux. Une partie d'autoroute vient d'ouvrir en direction d'Aix. Il n'y a plus de tramway. La boucle est bouclée, le village a changé et est trinqué aussi. Jules n'a plus un poil sur le caillou et a du mal à marcher. Heureusement que vous étiez dans une de nos maisons, car on aurait fini par tout vendre. Et aujourd'hui, on ne saurait pas où aller. Comme des milliers d'autres, lui dit Adrien. Restez-y jusqu'à ce que... Adrien ne peut terminer sa phrase tant l'émotion l'étreint. Trinquille embrasse, des larmes plein les yeux. Ils ont revu Maxime Camille une dizaine de fois en Algérie. Il a pris une retraite d'officier de la Légion et a retrouvé sa ferme à Lambesque, qu'il a transformée en villa. Son cousin et sa femme se sont retirés dans le Gard. Sa mère a fini ses jours dans sa maison et a profité d'une permission de Maxime, pendant la guerre, pour s'éteindre doucement durant la nuit. Les terrains étant devenus constructibles, il a suffi au notaire de vendre une petite parcelle pour payer les droits de succession et la modernisation de la bâtisse. Adrien viendra le voir aussi souvent qu'il le pourra, et ils se rappelleront leurs souvenirs en buvant l'anisette. Adrien racontera l'histoire de la petite Camille à ses petits-enfants, et puis, comment c'était là-bas. Déjà, sa fille Claude lui a parlé des synthèses qui sont revenues un peu avant eux, et des ponces qui habitent Pélissane. Les retrouvailles en perspective, tout un réseau d'entraide qui va se tisser. On va recouper ses souvenirs, y mettre de l'ordre pour ne rien oublier, enrichir sa propre histoire de celle des autres. Au mois de mars 63, Bachir débarque avec sa mère, sa femme et ses enfants. L'indépendance n'a pas répondu aux espoirs légitimes qu'il y avait placés. Bachir a bien compris que sa condition, loin de s'améliorer, allait régresser. De plus, il s'était trop affiché avec les Européens. Adrien lui a trouvé une place de régisseur dans un domaine voisin. « Tu sais, lui dit Bachir, finalement, son pays, c'est là où on a ses amis. Tu as raison, et je crois que tu l'as plus vite compris que moi. » Après le repas, pendant lequel ils ont essayé de parler d'avenir, les deux amis, assis sur un banc de la place, reprennent leurs souvenirs à l'abri des oreilles de leurs épouses. « Et mon bateau, Bachir, qu'est-ce que t'en as fait ? Ton bateau à la madrague ? Il faut que je te raconte. Un matin, je le préparais pour partir à la pêche. Il faisait une mer d'huile. J'avais acheté les petites crevettes, tu sais, j'avais fait du bromitch pour appâter. Tout d'un coup, trois types se sont amenés et sont montés sur le bateau. Ils m'ont attrapé et m'ont dit « Allez, fous le camp, dégage. Ce bateau, il n'est pas à toi, il est à nous maintenant. Et si tu comprends pas, Zrak Balek !» a fait le plus vieux, en se passant le pouce sur la gorge, et je te jure qu'il n'avait pas l'air de rigoler. « Et alors, qu'est-ce que tu as fait ? Qu'est-ce que tu voulais que je fasse ? Je suis descendu. » J'étais au commissariat. Là-bas, une espèce de rigolo m'a dit « Vous devez participer à l'effort de redressement du pays, monsieur Bouziane. » Le soir, quand je suis revenu au port, ils avaient attaché le bateau avec une grosse chaîne et un cadenas, une bite d'amarrage. « Punaise, c'est pas vrai. Enfin, tant pis. Je préfère te voir en vie que de revoir mon bateau. De toute façon, pour le ramener, il aurait fallu faire le tour de la Méditerranée par l'Espagne. « Oh, mais tu n'aurais pas pu le ramener. Attends, c'est pas fini. » Quand je suis parti, le dernier jour, j'ai demandé au taxi de s'arrêter au bord du port. Je suis descendu et j'ai foutu le feu au bateau. Mieux que je retourne pas là-bas, je te le dis. Ils rient tous les deux et se tapent la main dans la main. Tape 5, Bachir, tu es le plus fort. Un samedi matin, Brossard passe voir son copain. Tu te souviens que tu m'avais demandé une fois où j'étais né ? Oui, et tu m'avais dit que le bon Dieu n'avait pas mis les pieds là-bas. Rayonne, c'est ça ton village, hein ? « Non, c'est Rayan. Eh bien, demain, si tu veux, je t'y emmène avec ta femme. Tu vas traîner ta belle à ronde ? Oui, et si tu veux, c'est toi qui conduiras. Ça nous rappellera le bon temps. »